Bom dia, são 6 horas no continente da Madeira, 5 nos Açores. Não tenha medo de me agarrar, toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá, tô a gostar, não consigo me controlar. Tem cuidado da me cuia, não dá mesmo para parar. Cata dá mesmo para controlar, controlar, eu é controlar, controlar, eu é controlar. Cata dá mesmo para controlar, controlar, controlar. Baby, eu gosto do teu jeito de agarrar. Não sei como podes duvidar. Sabes que eu gosto do teu jeito. Para mim tudo é perfeito. Eu é. E tu, eu baby, vai. Não tenha medo de me agarrar. Toque em mim, me aperta, me amassa. Du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bon dia la famille, j'espère que vous allez bien. Du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bresse, à Caille ce matin, pas mal de brume et de brouillard. Hein. Soyez prudents sur les routes, hein. Les températures sont négatives. Eh ouais, ça appelle. Moins 2, moins 3 degrés du côté de Saint-Jean-de-Bresse, la Ferté-Saint-Aubin, Main-sur-Loire, Beaugency. Et on va jusqu'à 4 degrés aujourd'hui. Par contre, le soleil sera au rendez-vous en fin de matinée. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est avec la famille Seria qui nous écoute. Salut la famille Bandia. Bon courage à vous hein, qui êtes sur la route. Bah ouais, il y a du monde ce matin qui nous écoute. Ça me fait plaisir de vous retrouver sous le froid, mais bon, on est là hein, pour vous donner le soleil. Eh ouais, en direct. Et puis nos invités à ne pas rater tout à l'heure, 8h15, 8h30. Là, c'est l'exclusivité Nordinatab. Vous le connaissez sur France 5. Et ouais, le dieu du sport sera là tous les jours sur France 5 à 13h30. Nordine dans nos studios pour nous parler de sa nouvelle émission. Dis-moi coach, la minute sportive. Tous les jours sur France 5 à 13h30. Il sera en exclusivité. Il est d'Orléans, dans les studios de la radio arc-en-ciel. Et puis on aura aussi Pascal Tébibel. Eh oui, le vice-président d'Orléans Métropole dans les studios de la radio, qui vient de nous parler de la venue de Xavier Bertrand à Orléans. Ça sera lundi, on vous en parle en détail tout à l'heure en direct. Et puis notre chroniqueuse qui sera là aussi, Stéphanie Bier, à 7h30. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio, du son qui arrive. Et c'est Gilza sur la radio couleur. Belle journée, bon réveil et salut la famille Faria. Eh ouais, bandia à la crase. Gilza pour se réveiller. Ella me mira de tal forma que no sé ni qué pensar. Se muerde los labios y se mueve bien sensual. Si dudas de mí, de todo lo que te haré. Y si ella pide más, más reggaetón, pues más le daré. Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Remix, chis. Toda la noche lo que habite y como lo quiera. Quiero que se transforme y que saque lo de fiera. Que grite como tú quieras, reggaetón que te quema. Valemos toda la noche que yo corro con lo que sea. Vente, que quiero perderme. En tu mundo de pasión, dañémonos la mente. Déjame acariciar tu cuerpo tan caliente. Déjame sentir en tu piel cómo se siente. Recate mi cuerpo, haz que no muera el recuerdo. Ven, devórame con mi cuerpo. De lejos te observo y quisiera que te acercaras. Si tú quisieras, mami, ven conmigo a la pasarela. Suéltate el pelo, alójate, saca paseando al modelo. Ilúciate, ven que te invito. Hasta el infinito de tu noche la mejor. Vacila con los favoritos. Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Que tú necesitas, que sabe que bien te queda a ti esa palita. Ella señora, no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te luces cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Ven, vamos, que la noche no se va a acabar temprano. Siente, mírame de ese calor humano. Anda cuñadiendo con cualquier fulano. Lleguemos más allá. À la radio, et puis le matin, même les enfants ils sont levés de bonne heure. Mademoiselle Faria, bonjour Mademoiselle Faria. Bonjour. Comment elle va bien ce matin? Bien. Ça va, tu vas à l'école? Tu fais quoi aujourd'hui? Je vais à l'école. Ok, et il y a du monde sur les routes le matin comme ça de bonne heure? Oui. Bon, et papa il est bien réveillé? Tout le monde est bien réveillé dans la famille? Oui. Bon, et à quelle heure l'école aujourd'hui? 8h30. Ah bah y'a, t'es en avance, 7h15 il est bientôt. Dis donc, t'es un petit peu en avance, t'es en quelle classe? CE2. CE2, et ça va, ça marche? Ça marche bien à l'école? Oui. Bon, bah c'est bien. Bon, bah passez une belle journée alors, hein? Oui. On vous embrasse, la famille Faria, sur la route déjà, direction l'école. Ils y vont de bonne heure. Passe le bonjour à papa, ok? D'accord. Allez, belle journée, au revoir. Salut, vous aussi, vous pouvez nous appeler 02 38 43 48 00. 7h 9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, ouvrez. Ah ouais, on vous réveille le matin, elle était mignonne la petite gamine là, la petite mademoiselle Faria, qu'on salue au passage, 7h12 minutes en direct, hein. Ça caille ce matin, couvrez-vous, ouais, un peu de brouillard sur la route, donc soyez prudents, avec Donovan et Soledad. 7h09, c'est votre réveil matin qui est là. 7h15, minute chez eux. Coucou, Chouchou José qui est là aussi dans le camion. Salut José, belle journée. Sur la route, ça glisse un petit peu, c'est ce qu'il me dit. Bonne nuit à la planète. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et on est là jusqu'à 9h hein, avec nos invités tout à l'heure. Jolie nana, ça y est, Yana Kalamura. Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia, tu ne sauras plus rien du nu, moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer, t'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la... Qui va se négliger, je vais pas me négliger, si c'est fini, c'est la vie, vite, vite, bientôt j'aurai tout à pécher, les oui, oui, Joie et Anna, recherche Joie et Joe, comment on fait, je suis pas très mytho, manger le truc, je sens les pipos, les pipos. Par mail. Mais qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie. Oui, oui, bientôt j'aurai tout à pécher. Oui, oui, Joie et Anna recherche Jolie Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Les pipos. Oh yeah. Ils m'ont rendu bête, bête, bête. Je suis tombé la première. T'as bien Kouma, mais j'avoue que c'est mort. Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts. Mais à qui tu vas la faire? Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire? Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental, à qui tu vas la faire? À qui tu vas la faire? Jolie nana, recherche Jolie Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Jolie nana, recherche, jolie tchou, Ayana Kamura. Je suis pas très fan, mais bon, le matin comme ça, ça réveille, ça nous met de bonne humeur. 7h17 en direct, Bandi à la famille. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et puis il y en a qui vont partir, ça y est, hein, ça part, c'est ce matin, plus de 80 véhicules anciens vont partir vers 8h du quai du Rouen. C'est le rallye des neiges, direction la belle ville de Clermont-Ferrand pour un superbe rallye. Alors tranquille, hein, c'est pas un rallye dingue. Hein. En tout cas, si vous voulez les voir, là c'est le départ, c'est à 8h. Donc rendez-vous quai du Rouen, il y a 85 véhicules, des anciens véhicules. Eh ouais, il y a des Super 5 GT Turbo, des 200 GTI, des anciennes Alpines, etc., etc. Donc allez faire un petit coup d'œil si vous êtes dans les parages. Il décolle à 8h direction la belle ville de Clermont-Ferrand pour le rallye des neiges. Pourquoi pas si vous aimez les anciennes voitures. Voilà du son qui arrive avec Enamor la mer et Tony Patrack sur la radio couleur. Belle journée et bon dia à la famille. Mais sé que cuesta más que el oro. Me excita como el sudor, moja tu pelo. Si te ve mi abuelo, mañana hay un duelo. Tírate al suelo, caramelo, y deja que tu papi te lleve al cielo. Enamórame, I'm so serious, enamórame. C'est avec ça, vous ne réveillez pas, j'y comprends plus rien. Un amour à la mer, les bons souvenirs de Papy Sanchez. Vendredi à la familia et bonne journée. Sous le froid, mais le soleil arrive. Son rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et il est là aussi, il est levé, il travaille pas, mais il est déjà dans les starting blocks. C'est notre ami Stéphane en direct à la radio. Bonjour Stéphane. Bonjour monsieur Francky. Ça va la forme? Alors toi, c'est marrant parce qu'il est 7h20 du matin, tu ne travailles pas, mais tu es déjà réveillé. Bah oui, il faut bien que je sois réveillé pour t'écouter, sinon comment je fais? Ah ouais, bah après tu peux rester au lit quand même, tu restes au lit, t'es pas levé. Ah non, je suis dans ma chambre, tranquille, au chaud. Ah au chaud, bah oui, reste un petit peu au chaud parce que ce matin c'est des températures négatives, hein, je peux te le dire, hein, ça pèle un petit peu hein, sur Orléans. J'ai l'habitude de travailler dans le froid, donc ça. Ouais, c'est vrai, toi tu travailles à l'extérieur un petit peu dans les entrepôts, hein. Ouais, c'est ça. Ah, ça va. Avec les portes ouvertes, donc. Ah ouais, c'est bien ça. Ça va, tu ne prends pas trop de rhume l'hiver ou de grippe avec ça? Non, on est immunisé contre le froid, nous. Ouais, bah bientôt on sera immunisé, j'espère, contre le Covid, parce que là ça commence à être un peu lourd. Hein. Oui, j'espère aussi. Bah nous, on a été touchés, mais c'est que des gars des bureaux. Ah, bon, bah ça va, si c'est que le bureau. le Covid, il aime que le bureau. Ils sont immunisés contre le froid, eux. Ah ouais, parce que le Covid n'aime que les bureaux, c'est pour ça. Hein. Et il aime que le chaud. Nous, voilà. On est tout le temps au froid, donc qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Bah, restez dehors, alors. Et moi, j'ai eu ma troisième dose, donc ça va, je suis tranquille. Bon, aussi. T'es peinard, alors. T'es immunisé, toi, ça y est. Hein. Ah bah ouais, ça fait des années que je suis immunisé, moi. Bah, on espère qu'on va sortir de tout ça, en tous les cas. Hein. Ah, j'espère aussi, parce que c'est un peu le gros bordel, là. C'est clair. Bon, bah écoute, passe une belle journée, 7h22. Hein. Ouais, bah toi, c'est bon, petit Francky. Tu voulais écouter Ram Pam Pam de Minelli, ouais, en français. Ah, impeccable, je te remercie. Allez, on te l'a calé dans les platines ce matin. Ça marche. Salut, mon Steph, belle journée à toi. Merci, toi aussi, bon courage, ciao. Belle journée, bon réveil, vous aussi, vous pouvez nous appeler 02-38-43-48-00. Minelli, la version French, Ram Pam Pam. Salut la famille Faria, José qui est dans son camion, salut à Edouard qui est là aussi, salut Doudou. Ça c'est pour Stéphane, 96.2 FM, belle journée, bon réveil. You play me like nobody. When you were everything for me. Tu m'as bien ciblé. Y'a ram pam pam. Tu as tiré de moi que je demande. Y'a ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Y'a ram pam pam. Je t'aime et qu'on m'en fout. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tu m'as bien ciblé. Ram pam pam. Tu as tiré de moi que je demande. Ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Ram pam pam. Je t'aime et qu'on m'en fout. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Another phase, no sympathy from me. You turn into your enemy. I see. I wanna talk about it. Cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see. Our love was just a fantasy. On me. You play me like nobody. When you were everything for me. Tu m'as bien ciblé. Y'a ram pam pam. Tu as tiré de moi que je demande. Y'a ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Y'a ram pam pam. Je t'aime et qu'on m'en fout. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tu m'as bien ciblé. Y'a ram pam pam. Tu as tiré de moi que je demande. Y'a ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Y'a ram pam pam. Baby, tomorrow I'll see what you want me to see. D.I., D.I., baby, D.I. Baby, tu as tiré tellement que je dis je vois la satisfaction dans tes yeux. Je t'aime comme un fou, dis-moi pourquoi. Bam bam, j'adore. Bah, ça, ça reste dans la tête, hein. Ce matin, ça caille. Ah ouais. Salut à mes amis qui viennent de rentrer du Sénégal. Olivier et Joël, on les salue. Ça y est, enfin, les feignasses qui reprennent le boulot. Bah, quand même. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Salut Joël et Olivier. Ils rentrent tout bronzés, hein. Je suis sûr que c'était le noir de monde là-haut. Ouais, ouais, j'en suis sûr. Sébastien qui est là aussi. Salut Francky, belle journée à toi. Merci. Merci d'être aussi nombreux à nous rejoindre le matin. Je vous rappelle nos invités tout à l'heure. Nornie la table, le sportif, vous le connaissez, l'Orléanais. Il est sur France 5 tous les jours à 13h30 sur Dis-moi Coach, nouvelle émission sportive qui dure une petite minute, c'est-à-dire pendant tous les jours. Il a une minute de bons conseils pour vous mettre en forme le matin ou le soir ou l'après-midi. Eh bien, il sera notre invité. Ce sera ça aux alentours de 8h15, ouais, je pense, parce que l'émission cartonne en ce moment. Ça y est, c'est parti. Ça s'appelle Dis-moi Coach. Écoutez un petit extrait. Allez, vite fait. Écoutez ça. Alors, c'est Nordi la table. Écoutez, Nordi la table. Dis-moi, coach, j'aimerais débuter ma journée par quelques mouvements pour dédier mon corps. As-tu une idée ? Eh oui, Alex, nous sommes nombreux à ne pas prendre assez de temps le matin pour bien délier son corps. Et pourtant, en deux temps, trois mouvements, on se lève du bon pied. Ah, je vais sur mon lit, je viens m'asseoir sur les talons. Et là, j'incline le buste en amenant mes mains loin devant. Je maintiens la posture. Et je me redresse. Allongé sur mon lit, je ramène la jambe vers moi. En m'aidant de ma main, je bascule. Bah voilà, donc il sera notre invité tout à l'heure. Nordi la table dans les yeux de la radio, ça va être énorme. Je peux vous dire, en direct sur Radio Arc-en-Ciel, ça me fait plaisir de le recevoir parce que c'est vrai que c'est un habitué des lieux. Du son, souvenir, avec Gala Fleet from Desire. Belle journée et bon réveil sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Free from desire, mind and senses. We'll be right back. 7h-9h, Radio Arc-en-Ciel, fin 90, c'est en 96, 97, avec Gala, Freed from Desire. Alors, tous les vieux, ils se rappellent de ça, forcément, on a fait la teuf en boîte là-dessus. Heureux d'être avec vous, 7h30, c'est Franky dans la radio. La météo. La météo pour aujourd'hui, bien, le ciel est couvert, nuageux en ce début de matinée, mais le soleil devrait faire son apparition en fin d'après-midi, et en début de midi. Et les températures sont glaciales ce matin, ça caille, hein, moins 1, moins 2, moins 3 degrés, ça pèle un petit peu, on ne dépassera pas les 4 petits degrés, et comme je vous le disais, la bonne nouvelle, c'est que le soleil devrait faire son apparition après midi. Le bonne nouvelle, j'adore, quand il fait beau comme ça, et promis, j'ai regardé sur le site de Météo France, promis, le soleil est bien là. Du son qui arrive. Souvenirs encore avec les clubs qui sont fermés malheureusement. Alcazar Crying Discothèque, ça c'est le meilleur des souvenirs et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon réveil. Je me mate le clip en même temps d'Alcazar, il tue les costumes hein, de l'époque. Hein. Franchement, c'était le son des années 2000, ça, Crying in Discothèque, Alcazar. Et en plus, c'est le sample de, comment s'appelle, Sheila, la chanteuse. Bah justement, c'est pas Sheila qui vient d'arriver, c'est Stéphanie Bié. Comment elle va, Stéphanie Bié, ce matin? Bah écoute, ma foi, pas mal. Ça va, Ikaï, hein, t'as vu? Ouais, mais bon, ça va, ouais, moins ça va. 1, on ouais. est quand même au mois de janvier. Ah hein, oui, c'est bon, au mois de janvier, ouais, bon, ça va. Il y a pas de quoi paniquer, tout non, va bien. Non, je t'ai déjà souhaité la bonne année, ouais. Bah, je suis venu la semaine dernière. Ah ouais, c'est vrai, c'était bien. Tu sais, t'as vu, dans les studios, c'est toujours Noël. Ouais, ouais, je sais pas, ça découle jusqu'au 31, à mon avis, là. On va se taper ça, hein. Ouais, tout à l'heure, on a un ordinateur qui vient. Tu connais l'ordinateur? Ouais. Ouais, c'est un gros sportif, hein. Ouais. Il a fait une nouvelle émission, là. Enfin, il fait une nouvelle émission sur France 5, c'est tous les jours. C'est une minute de sport, en fait. 48 secondes, exactement, le format. Ah, t'as chronométré. Bah, dis-moi, coach. J'ai un petit peu préparé, quand même. Ah, t'as regardé. Et puis, j'ai un invité de dernière minute, hein. Ça s'est passé hier. Il s'appelle Pascal Tébibel. C'est le vice-président d'Orléans Métropole. Ouais. Et ouais, parce que lundi, il y a Xavier Bertrand qui vient à Orléans, lundi soir. Donc, bah, il vient nous parler de sa venue. Ça sera aussi. Je suis enthousiaste. Voilà. Ah oui, bah, ce matin aussi, Pascal Tébibel, vice-président d'Orléans Métropole, sera là. Fais gaffe, il met un costard, lui, hein. Il arrive à quelle heure? Ah, je sais pas, vers 8h, il m'a dit. D'accord. On va être un peu nombreux dans les studios, il va falloir mettre les masques, hein. Ouais, mais là, vous êtes séparés quand même, vous êtes à 1 mètre, à peu près, hein. On va dire, il y a 1 mètre. Ouais. Ouais, sinon, ils font la queue, hein, dehors. Il fait bon dans la radio. Je vais mettre dans la salle d'attente avec un petit café. Voilà, un petit café. Bah, justement, le café, tu vas le prendre. Moi, je peux pas le prendre, j'ai une prise de sang ce matin. Ouais, je sais. Alors donc, je peux pas prendre de café. L'autre jour, je me suis planté, j'avais une prise de sang, je me suis gouré. J'ai bu un café au lait. Et je dis, merde, la prise de sang. Du coup, bah, je suis obligé de, je vais la reporter, quoi. Donc, c'est ce matin. Donc, là, je bois de l'eau. Ce matin, Tétricard. Voilà, donc là, je bois de l'eau depuis ce matin. Ça doit te faire bizarre, non, ça va? Non, ouais, j'ai envie d'un café, un truc de fou. Ah, j'ai envie de boire. Mais après, on m'a dit qu'on pouvait, je sais pas, on m'a dit qu'on pouvait boire un café. Absolument pas. Mais apparemment, faut pas. Agen, c'est agen. Voilà, donc, pas d'alcool, surtout. Bah, le matin. Rien du tout. Ouais, c'est important. Bon, bah, petit café, là, pour toi? Bah, écoute, je vais y aller, moi, gentiment. Alors, je vais juste humer le café, comme ça. Si tu veux, tu viens, là, ça sent bon, tu sais, je suis arrivé, j'ai mis j'ai vu que t'as mis du Wizard, là. Partout. Non, c'est pas du Wizard, c'est des huiles essentielles. Ah, ça va dober les huiles. Comme en plus, on t'a vu, on va être 3 ce matin, du coup, voilà, ouais, ça. Ouais, mais ça aère un petit peu. Il y a du gel, il y a tout aussi, ouais, voilà. En direct ce matin, avec un bon souvenir, avec Louis Bertignac, je sais pas si tu te rappelles de ce gars-là. Oui, et les visiteurs, non? Ouais, c'est ça, et ces idées-là. Un bon slow pour démarrer cette matinée dans les bagnoles. Bon réveil, belle journée, bon café à tous. Voici Louis Bertignac et les visiteurs, ces idées-là. Bébé, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée. Des cendriers tous renversés. Des heures passées. Devant l'avenir de ma télé, des nuits sans dormir, à me demander où tu peux bien aller. 7h09 en direct. Il y a Stéphanie qui est en train de faire le ménage dans la radio, ça, c'est plutôt rigolo. Un bonjour à l'antenne. Tu quoi? Appelle le 02. Je nettoie le micro. Ah bon, il faut. 43 48 00. C'est bien, il faut nettoyer les micros. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et puis je vous rappelle, si vous êtes du côté du quai du Rouen, dans 20 minutes, il y a la course, le rallye des neiges qui va démarrer, qui vont partir tous pour Clermont-Ferrand, le rallye des neiges, 80 anciens véhicules qui vont décoller. Tu connais le rallye des neiges tous les ans? Ouais, et ben la course, ça part là dans 20-25 minutes d'Orléans. Mais je savais pas, sinon je serais pas venu, j'aurais été les voir. Ouais, moi aussi, parce que les vieilles bagnoles, j'aime bien les vieilles bagnoles. Moi aussi. Ouais, j'adore. Et ben ça va partir dans 20 minutes, la direction Clermont. Et 24 Magic avec Bruno Mars. C'est bien ça? Ouais. Allez, move your body, on boit le café et puis on vous retrouve en direct. Nordinata, je bois le café, toi tu l'aurais dit. Moi je bois de l'eau, moi. Bah, là, c'est ça. Et Pascal Tébibel, nos invités ce matin. Pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, sip. Do your dip, dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Woo! Hey, girls. What y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so look out. Everywhere I go, they be like, oh, so glad. Ça, ça bouge le matin, ça. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, Bruno Mars. Qui sont bien funky. Ah, justement, peut-être faut faire du sport tout à l'heure quand Nordine sera là. Qui va faire du sport? Bah, toi. Peut-être toi, pendant une minute. Moi, non, j'écoute les consignes déjà, c'est pas mal. Tous les jours à 13h30, c'est sur France 5. Dis-moi, coach, écoutez. Voilà. C'est celui dis-moi, d'hier. Coach, ouais. J'aimerais débuter ma journée par quelques En fait, poser une question et vous êtes. As-tu une idée? Eh oui, Alex, nous sommes nombreux à ne pas prendre assez de temps le matin pour bien développer son corps. Et pourtant, en deux temps, trois mouvements, on se lève du bon pied. Allez, on se lève tous pour d'un été. Sur mon lit, non, je suis bien on reste Ça va être bien ça tout à l'heure, non? On va prendre des choses. Oh bah oui, je pense. T'as regardé un peu les vidéos, toi? Ouais. J'ai regardé un petit peu, j'ai écouté, et ce qui est surtout sympa, du coup, c'est que c'est une émission. C'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde dans un premier temps. Ouais, et puis, c'est tourné en local, puisque c'est tourné du côté près de Saint-Cyr-en-Val, je crois, dans un ancien entrepôt. C'est ça, voilà. Et donc c'est plutôt le concept est plutôt sympa. Sympatoche alors, Stéphanie Bier. Enfin, j'ai un petit peu travaillé quand même. Ouais, c'est bien. Tu t'es renseigné sur l'ordinateur. Ça, ça fait plaisir. Hein. En tout cas, moi j'adore parce que lui, il adore venir à la radio. Déjà, il habite pas très loin. Et puis, à chaque fois, c'est un plaisir de le recevoir. Il a toujours ce mec-là, il a toujours le sourire, toujours la bonne humeur. Tu vas voir quand il va arriver. Elle sourit comme ça. Je suis sûr qu'il vient à pied, hein, en même temps, en vélo même. Bah sûrement. Il est plus courageux que moi. Moi aussi. Bah enfin moi je suis un peu loin quand même maintenant. Mais toi t'arrives comment, à cheval toi, non? Non, en voiture quand elle. Ça va, elle roule bien en ce moment la bagnole. Bah écoute, je vais à la révision mardi. Ah. Je crois qu'il est temps que je vienne. C'est vrai, encore déjà. T'as des problèmes avec ta bagnole, hein? Ouais, c'est, voilà, mais bon. Sinon, on peut la foutre à la casse. Que... Bah non, pas tout de suite quand même. Et le jour où tu la jettes, tu me dis on la tabasse en bas de la radio. Mais je vais pas la jeter. Non, mais enfin, si un jour tu veux l'acheter. Il y a que 2 ans que je l'ai même pas. Je vais pas la jeter. Ah bon, non, mais si un même. Jour tu veux, nous on peut s'en occuper, hein, de ta bagnole. Mais pourquoi tu veux qu'on crame la mini aussi? Ah non, je veux pas, surtout pas. Arrête ta Franklin, ça, je suis sûr que tu dois aimer. C'est un petit remix sympatoche et après on te retrouve. Le café des monstres maintenant. Ouais. Bah c'est moi qui l'ai ramené en plus. Je l'ai piqué dans le placard à Katia. Merci Katia. Arrête à Franklin, le remix 2002. Et puis on retrouve notre amie Stéphanie Bier. Nos invités ce matin, je vous rappelle, l'ordinateur et Pascal Thébibel, le vice-président d'Orléans Métropole. 7h-9h en direct. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Eh ouais, 42 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Une prière ce matin pour vous qui venez de vous réveiller. Pascal Tibibel qui vient juste d'arriver dans les studios de la radio, on va l'accueillir dans moins de 5 minutes. Et puis Céline Dion, le Québec à l'honneur avec la prière païenne. Stéphanie Bier aussi est là, notre chroniqueuse, dans moins de 4 minutes. Ça va Stéphanie? Moi, écoute, tranquille. Vous avez des bons masques hein, ce matin. Ouais. Moi j'ai sorti le modèle chat. Ouais, miaou miaou. Et puis Pascal qui est arrivé, on va l'accueillir dans moins de 3 minutes. 7h51 en direct. Que je fais, tout ce que je crois, je prie la terre de toute ma vente, mais pas le ciel. Il m'entend pas, mais pas le ciel, trop pour moi. Quand je me réveille, je loue le jour, la vie toujours, ses merveilles. Je prie les roses, je prie les bois, les vertus roses, n'importe quoi. Calibou, 7h55 minutes en direct. Merci d'être aussi nombreux le matin. 96 FM sur Orléans. Bienvenue à vous. Si vous venez de vous réveiller, pas facile. Ça fait froid ce matin. L'invité du jour, il arrive. Radio Arc-en-Ciel. L'invité du jour, c'est maintenant. Et ça me fait plaisir de le retrouver dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin en direct à 7h55 Pascal Tibibel, vice-président de la métropole. Il est venu nous faire un petit coucou ce matin. Bonjour Pascal. Bonjour Francky, bonjour Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Ça va, en pleine forme? Ouais, super. Mais écoutez, c'est encore l'occasion de présenter tous mes vœux à toutes celles et ceux qui nous écoutent, hein, pour une année, je l'espère, plus sereine et plus apaisée. On espère, on croise les doigts en tous les cas avec vos beaux masques, vous êtes magnifiques ce matin. On est beau. Tu sais pas en train de te manquer là tout seul dans ton aquarium. Moi j'ai une vitre qui nous sépare, donc comme ça je suis un peu dispensé. Heureusement que j'ai un sapin devant toi. Ouais. Parce que... Mais là ils ont pas enlevé la déco de Noël, ils vont pas tarder à l'enlever, je pense. Dis donc, ça balance déjà ce matin. Ah bah nous ouais. Le matin on aime bien se taquiner. Tous les deux on aime bien se taquiner. On se taquine, tous les matins on se taquine. Tu n'es pas venu là pour rien entre guillemets, on va dire, parce que lundi, une venue à Orléans, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, sera là sur Orléans. Pascal. Oui, alors Xavier Bertrand, donc maintenant, fait la campagne de Valérie Pécresse et donc viendra lundi soir, Salle Eiffel. D'accord. Et c'est où la Salle Eiffel? C'est à Orléans Centre? C'est rue de la Tourneuve. Absolument. À Orléans, c'est vers les quais du Roi, je crois, par là. Oui. Hein c'est avant les quais du Roi, oui. Voilà. C'est avant le Pontinat, la rue de la Tourneuve, c'est pas loin de la place Saint-Aignan, en fait. Ok. Voilà. Si ça parle à quelqu'un. 18h30. Cette belle Salle Eiffel, ouais, je vois où c'est à peu près, ouais. Il faut prendre. À côté de la Tour Blanche. C'est pas facile pour se garer par là, hein. Il y aura un parking, si, ouais. Il y a de la place, place Saint-Aignan autour. Bah voilà, il y a de la merci place. Pour les indications. Bon, bah, ça va. A été mon quartier très longtemps. Donc, ah, bah, alors. Il y a beaucoup de réunions, se font souvent ça les fait, hein, voilà, ouais. C'est une tradition, ouais. On attend quoi ce lundi de monsieur Bertrand? Alors Bertrand, bah, vous savez, j'étais un des premiers à le soutenir dans le Loiret, hein, ouais. À annoncer sa candidature. Et maintenant, nous sommes tous unis derrière Valérie Pécresse. Mm-hmm. Et donc, comme vous le savez, dans le cas de la campagne de Valérie Pécresse, les mousquetaires, hein, tous ceux qui avaient donc candidaté au Congrès LR, ont des thématiques. Ouais. Philippe Juvin, la santé, Éric Ciotti, la sécurité, Michel Barnier, l'international. Et Xavier Bertrand, c'est la République des territoires et le travail. Et en thématique, en transversal, c'est la simplification. Donc il viendra lundi pour en parler. Et il aura auparavant, avant la réunion publique, il viendra rencontrer des chefs d'entreprise, des fédérations professionnelles, pour échanger avec eux, pour voir leurs préoccupations, leurs doléances. Je crois que ce sera un moment intéressant. Et aussi, dans le cadre de la simplification, parce que c'est un vrai sujet aussi sur le plan économique. Un vrai sujet, parce que on pense qu'aujourd'hui, en France, tout n'est pas simple. Il faut être honnête. C'est vrai que tout n'est pas simple. Moi, je pense qu'on vit dans une... On est des vies... suradministré, surcontrôlé, surréglementé, et je pense qu'il faut plus faire confiance au jugement individuel et disons faire de l'État, redéfinir l'État pour redonner de l'autonomie aux citoyens, et voilà, faire confiance aux citoyens et... sans trop stigmatiser si possible. Absolument, tout à fait d'accord. Ça serait bien. Ouais. Voilà. Donc ça va vraiment être la trame de son discours lundi soir. Une belle trame lundi soir. Alors c'est ouvert au public parce que... Oui, tout le monde est invité, ouvert au public, absolument, dans le respect bien sûr des règles sanitaires. Ouais. Ça nous échappe pas, hein. C'est partout. En tout cas, on l'attend avec impatience, parce que moi j'y serais, j'aurais une belle question à lui poser, hein, parce que je suis un peu touché par le phénomène Covid, on va dire. Je suis pas sûr qu'il puisse résoudre ton problème. Non, mais c'est quelqu'un qui est à l'écoute, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui passe du temps. Je dirais presque que quelquefois il ferme la lumière après les réunions publiques, il écoute vraiment tout le monde, et s'il y a quelque chose à dire, bah, il faut le dire à ce moment-là. Absolument. Après, je suis pas le seul, il y aura d'autres chefs d'entreprise, hein, mais pour au moins remonter les informations, je me doute qu'il n'est pas la solution ce jour-là. Ça, c'est... Non, mais il faut des cas concrets, il faut exposer des cas concrets, je crois qu'il y en a aujourd'hui, et il faut parler concret. Parce qu'on voit de belles choses à la télé, hein, on voit la fleur de rose, on va dire, mais dans la vie, c'est pas tous les jours. Tu vois des beaux trucs à la télé, toi? Hein? Ouais, je sais pas ce que tu regardes. Des beaux trucs, je vois des belles paroles. Même pas les paroles en ce moment, franchement. Des belles paroles, mais qui n'aboutissent pas. Mais bon, ça, on en parlera lundi avec Xavier Bertrand. Absolument. Donc, comment on prépare ça, alors, pour lundi? Pascal, tu te sens comment, toi? Oh ben moi je me sens confiant. Bah, tu l'as déjà rencontré plusieurs fois. Oui, bien sûr. Bien sûr, des réunions partout en France. J'ai quelqu'un qui m'a fait confiance, et donc je suis quelqu'un aussi qui lui est fidèle, parce qu'il incarne, voilà, il incarne mes valeurs, et maintenant elles sont au sein d'une équipe derrière Valérie Pécresse. Donc je crois on est complètement cohérent avec avec mon parcours, on va dire. Donc je le fais avec beaucoup de confiance, et on ramode bien sûr tous les réseaux afin d'avoir vraiment une diversité de un public divers, pas uniquement le public habituel militant. Il faut vraiment qu'il y ait une diversité dans l'audience pour vraiment avoir le maximum de questions qui reflètent vraiment la diversité des questionnements qu'on a aujourd'hui dans la société. Et même en tant que citoyen, c'est intéressant de pouvoir écouter tout le monde aussi, puisque pour se faire sa propre opinion, absolument. On ne peut pas, qui n'entend qu'un son, n'entend qu'une cloche. Bien sûr, il y aura d'autres candidats, et je crois que c'est ça la démocratie. Et donc Xavier est un des premiers qui ouvre le bal, on va dire, à Orléans, il y en aura d'autres, et à chacun de faire son opinion. Alors maintenant que j'ai invité Pascal pour parler Xavier, je vais être obligé d'inviter d'autres. Ah ben voilà, tu es obligé. C'est la loi de la radio. Mais c'est ça qui fait la diversité. Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Absolument. On est ouvert, on est une radio... local public et on honneur à tout le monde, justement. Et c'est bien que tu aies ce rôle aussi, voilà, de faire jouer la, de faire vivre la démocratie, et c'est aussi avec Arc-en-Ciel. Absolument. Ça commence comme ça. Ça commence toujours comme ça. Et en musique, c'est encore mieux. Voilà. Et en musique qui arrive dans moins d'une minute. Comment se passe la métropole Orléans? Ça va? Tout est bien en ce moment? On est bien à Orléans Métropole? T'avais pas des questions à propos des travaux de la Tange ce matin, non? Parce que... la Tange, oh là là, la tangentielle. Non, ça va, elle est pas en travaux ce matin. Non, on prépare les budgets, vous avez vu, voilà, on prépare pour avoir, comment dire, une métropole qui fonctionne et qui réponde aux besoins des citoyens. Bah, tout ça, ça s'organise. Voilà. Ça s'organise, voilà. ça démarre avec les budgets. Voilà. Ça, c'est ce qui est un peu le nerf de la guerre, absolument, les budgets. Absolument, c'est l'argent, oui. Parce que le Délibel, avant de se quitter, parce que je sais que t'as un planning surchargé aujourd'hui, tu m'as consacré quelques minutes, ça me fait plaisir que tu sois venu sur Radio Arc-en-Ciel de Bonheur. Un dernier mot à rajouter peut-être pour se quitter? Bah, je souhaite à tout le monde une belle journée, mais une belle journée qui commence toujours avec de bonnes vibrations sur Arc-en-Ciel. Voilà. Et ben ça, c'est un beau mot. Et puis on se retrouve lundi à 18h30. Absolument, rendez-vous, c'est ouvert à tout le monde. Salle Eiffel. Salle Eiffel. Venez nombreux. Rue de la Tourneuve. Demandez à Stéphanie Bier si vous voulez le plan avec le parking. Elle a tous les bons plans. Le centre-ville, franchement, le centre ancien, je suis quasi incollable. Oui. C'est vrai? Quasi. T'es né dedans, toi? Bah, j'ai grandi à Orléans, je suis restée dans ces quartiers-là, les quartiers anciens. Vraie Orléanaise. Je suis née à Sully-sur-Loire. Ah oui, quand même. Je suis surtout une véritable ligérienne. Et bien, voilà, c'est bien. L'axe ligérien, c'est important, ça aussi, effectivement. Pascal Thébibel, merci d'avoir été notre invité pendant quelques minutes pour nous parler justement de ce rendez-vous lundi à 18h30 avec Xavier Bertrand. N'hésitez pas à venir nombreux. On vous retrouve tout de suite avec Barry White. Et puis, vous savez que le sportif qui arrive, c'est Nordine Atab. Moi, j'ai besoin de son. Voilà. Bah, je vais vous laisser. Il nous a quittés malheureusement il y a 10 ans. Ça passe. Hein. C'est un grand spécialiste des chanteurs morts, on le sait tous. Ah, moi je suis Dieu là-dessus. Hein. Je suis le roi des chanteurs disparus. Si vous avez des questions à me poser sur les chanteurs disparus, vous m'appelez 0238-43-48-00. Hein, bah ouais, moi je suis comme ça. Mike Brandt aussi qui nous a quittés. C'est bon. Avec Clo-Clo aussi dans sa baignoire, malheureusement. Il a voulu changer d'ampoule. Oh là, que des morts ce matin. Belle journée. Pascal est toujours là. Il attend Nordine m'a envoyé un message. Il arrive dans moins moins de 10 minutes, il m'a dit. Voilà, comme ça, tout le monde au courant. L'horoscope qui arrive avec Stéphanie Bier. J'espère qu'il va être bon ce matin, l'horoscope, parce que sinon... Petit bonheur, la chance. Tu veux qu'on parle quoi, d'argent et de travail ou d'amour? Ah bon, on parle d'amour. Attends, allez, l'amour. Le travail, l'argent, on verra. Mais l'amour, c'est important, l'amour. L'horoscope avec Stéphanie Bier. L'horoscope, c'est maintenant. Et l'horoscope et Stéphanie, on va démarrer avec les béliers, si tu veux bien. Votre insouciance peut vous jouer des tours. Pourtant, elle vous permet aussi de prendre les choses à la légère. Vous pourriez avoir des choix à faire en rapport avec un comportement de l'un de vos proches. Ne prenez pas de décision hâtive. Réfléchissez avant de prendre une décision qui serait pas la bonne. Ah, il faut, hein. Sinon, on prend des mauvaises décisions, des fois, hein, quand on va trop vite. Ça, c'est vrai. Les taureaux, vos amours seront au beau fixe et vous verrez la vie en rose. C'est le moment de profiter au maximum de ces petits moments de tendresse et de les emmagasiner, pour combler les périodes de vaches maigres. Pascal, il est quoi comme signe? Verseau. Ah, on va attendre. On n'y est pas encore. Les Gémeaux. Eh bien, ça va être très rapide. Vos intuitions seront surtout justes, seront vraiment justes et vous aideront à comprendre et à démêler une situation familiale compliquée. Donc, les Gémeaux, écoutez votre intuition. Voilà, ou votre père. Les cancers, la passion est toujours au rendez-vous avec l'être aimé, il vous comblera d'attention. C'est beau ce que tu dis, toi. Les lions, vous avez besoin d'échanges constructifs, mais pas de dialogue stérile. Vous saurez surprendre votre partenaire et votre inventivité. Célibataire, pour vous aussi, cette fois le bonheur sera à la portée de main. Oh, c'est beau ce que tu dis. Les vierges. C'est toi, ça? Non, ah moi non, je suis cancer. Ah oui, c'est vrai. Les vierges, attention, certaines personnes n'hésiteront pas à profiter de votre gentillesse et on peut le dire carrément de votre naïveté. Méfiez-vous des beaux parleurs qui ne veulent qu'abuser de votre personne ou de votre porte-monnaie. Ah, il y en a un paquet. Les balances, t'arrêtes de bouger le truc. Parce que là, tu me fais sauter des lignes. En fait, là, je sais qu'elle a un écran devant elle et moi je bouge avec le. C'est rigolo, hein. C'est très drôle. Les balances, vous aurez droit à des moments intenses et merveilleux en compagnie de votre bien-aimé. Célibataire, un besoin de faire la fête et de vous divertir devient de plus en plus présent. Vous vivez mal votre solitude actuelle. Ah, pas facile ce matin. Les scorpions, vous vous sentez entouré et aimé. Cette chaleur réconfortante vous fera oublier quelque temps les soucis que vous rencontrez dans le cadre de votre travail. Votre partenaire sera vous soutenir et vous encourager. Si vous êtes célibataire, vous chercherez à vous étourdir en faisant la fête. Mais ah ouais, bah ils veulent tous aller faire la fête, ouais, mais bah ouais, en fait, on peut pas trop, quoi, il me semble. Hein, qu'on bah est le un problème peu... est là, hein, l'horoscope, ils veulent dire la fête, mais on peut pas. Hein. Manu, alors, les sagittaires, eh bien, célibataires, vous aurez la faveur des astres, vous aurez des chances de goûter aux saveurs d'une nouvelle idylle. La chance sera au rendez-vous, l'ambiance astrale va réveiller votre sensualité et vous souffler des envies coquines. Carrément, quoi. Ah ouais, carrément. Les sagittaires. Ouais. J'ai une petite pensée pour Katia. Salut les sagittaires. Les capricornes. Vous allez devoir tenir compte des désirs de votre partenaire. Vous n'êtes pas le seul à décider. Après tout, n'oubliez pas qu'une relation se construit à deux. Si vous n'êtes pas prêt à l'accepter, ce principe de base, eh bien, ça sert à rien de continuer. Bah oui. Et Pascal qui est Verseau. Alors attention, raconte pas de conneries. Hein. Méfiez-vous d'une personne de votre entourage qui ne rêve que de semer la discorde dans votre couple. Réglez le problème immédiatement en imposant une discussion claire. Montrez que l'on ne vous fera pas prendre des vessies pour des lanternes et vous ouvrez les yeux de votre partenaire. Célibataire, ne soyez pas crédule. Ah ouais, c'est important ça. Et pour terminer, les petits poissons. En famille, vous serez prêt à faire des compromis pour éviter les problèmes. Vous y mettrez du vôtre pour que les tensions s'apaisent. Et puis bien vos proches, et ben vous en seront extrêmement reconnaissants, amis poissons. Bah, bon horoscope ce matin. Ouais. Ça va, toi, ça a été le tien? Ouais, ça a été. Moi, bien aussi, tranquille. Hein. Ça a été. Par contre, je vais juste d'un point de vue pure astrologie. Ouais, vas-y. Hein. Vraiment, il y a. Vas-y, Madame Soleil. Il y a Mercure qui rétrograde en Verseau. Donc, quand elle rétrograde, Mercure, elle descend en Verseau et elle ne va pas faciliter la communication dans les 15-3 semaines là qui suivent. Il y a des problèmes de messagerie en fait. Donc ça peut être vraiment, c'est vraiment en termes de communication, soit directe ou soit par l'intermédiaire des courriers, des choses qui n'arrivent pas, qui ne se font, qui sont ralenties Voilà, parce que Mercure concerne la communication. T'as vu, Pascal, ce matin, t'as une consultation gratuite. Voilà, hein. J'ai bien pris note, merci. Voilà, prends note. Hein, et puis, de bien formuler les messages, parce que, a priori, c'est pas facilité en ce moment. Raconte pas trop de conneries, là, aussi, Madame Soleil. Là. C'est pas des conneries, c'est vrai. Ah, mais attends, je vais mettre une boule au milieu, là, et tu nous feras l'avenir, le matin. Un pendule. Ou dans le mar de café, comme on a une cafetière. Non, mais il y a trop d'ondes ici, donc on peut pas. Bah oui, il y a des ondes de radio, oui. Bah voilà. Et des ondes positives. Positives, que positives. C'est ça. Alissa Keys qui arrive, et puis Nordinatab qui est sur la route, il arrive dans quelques minutes en direct, le grand sportif de France 5, ça me fait plaisir de le recevoir. Voici No One, et puis Nordin dans moins de 6-7 minutes. Faire du sport. Pascal, tu fais un peu de sport, toi, la journée ou le matin? J'en fais pas assez, justement, j'ai besoin de Nordin. T'en fais pas assez? Justement, il arrive dans 3 minutes, il m'a dit. C'est pour ça que je l'attends. Il arrive dans quelques minutes, ça me fait plaisir d'avoir Nordin à la radio. Tu le connais, toi, Steph? Ah, bah oui, comme tout le monde, oui. Alors là, je le connais. Un grand sportif, et puis un super mec. Alors lui, il a tout le temps le sourire. Et comme toi, Pascal, c'est un mec qui a tout le temps le sourire. Et bien, juste avant de l'accueillir, et on lui a préparé quelques petites surprise, hein, parce qu'il a tellement fait de trucs dans sa vie aussi, j'ai des bonnes surprises pour lui. Louisy Joseph avec Maldon, la musique dans la peau, ça te rappelle des souvenirs, ça? Le zouk, un peu? Ouais.

laisse abandonner, vide il y a des mots, des non-sensés, des paradoxes, le silence s'installe, un goût amer entre la mort et l'innocence. Passer la phase, tourner la page, que le temps passe, combien de temps durera cet orage. Colère, haine et dépit réunis, mais bon voilà, ça sert à quoi lorsque tout est fini. Pain, pain, pain, de vivre mon cœur s'est arrêté. Bang, bang, bang, on a tiré, on a visé, on s'est finalement touché. Tu sais bien, t'es mal aidé, je t'ai donné tout ce que j'avais. Si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé. Tu sais bien, t'es mal aidé, t'enterrerai ma vie à jamais. Sur nos routes pour se quitter, sur ce baiser salé. Baiser salé, je me sais bien très mal aidé, trésorer ma vie à jamais, sur le route pour se quitter, sur ce baiser salé. Baiser salé, le groupe Larissa du Portugal. Justement, il y a José qui nous écoute depuis le Portugal. Ça me fait plaisir. Salut mon José, la famille Faria aussi qui nous écoute dans les voitures là. Peut-être sur la tangentielle, direction le boulot. Ouais, ça bouge un petit peu des fois la tange, hein, Steph. Ça fait longtemps que tu nous avais pas fait celle-là. Ça fait une semaine. J'ai appelé 2-3 fois ceux qui s'occupent un peu des travaux de la tangentielle. Là. On n'a pas eu de réponse encore. Hein. Non, si, faut pas dire ça. On a été super bien accueillis. Il y a un matin où on a été, franchement, on a été très bien accueillis par. Ouais, sympa. Ils ont été très gentils. On les remercie. La météo aujourd'hui, on l'a fait tout de suite et ça caille. La météo. Alors, ce qui est bien, c'est que Nordine, je suis comme un GPS. Hein. Il m'a dit, je suis là, je suis au bout du faubourg Bourbonnier, je suis là dans 3 minutes. Il maintient c'est, le suspense. C'est Iron Man. Ah, bah, en même temps, c'est Iron Man aussi. Hein. Attends, il fait monter la pression. Parce que Pascal, il l'attend. Il arrive, Pascal. Hein, dans 2 minutes, il est là. Il m'a dit, voilà, il est au bout du faubourg Bagné, si je me trompe pas. C'est bah, ça. C'est le bon, hein, parce que si est dans au Madeleine. Parce c'est que s'il est faubourg Bourgogne, on est mort. Hein. C'est plus le bon faubourg. En tout cas, côté météo, comme vous l'avez vu ce matin, au lever du jour, il y a pas mal de brume et de brouillard hein, en campagne, donc soyez prudents sur les routes encore. Ça caille un petit peu. Pas tant que ça. Mois de janvier, -1, Francky, quand même, il n'y a pas de quoi chouiner non plus. Ouais, ça va, -1, -2, c'est monté jusqu'à -4 en campagne. On va pas dépasser les 4 petits degrés aujourd'hui, voilà, donc un temps d'hiver, on va dire. Mais hein. Normalement, il y a un peu de soleil, je crois. C'est ce que je viens de dire, voilà, copie-coller. Hein, il y a du soleil aujourd'hui et ça c'est bon pour le moral et c'est bon pour la forme aussi. Justement, en parlant de forme, il est là dans 3 minutes. Nordine Atab. Alors vous le connaissez, France 5. Alors déjà, il était sur France 5. C'était l'après-midi. En fait, je crois que ça doit faire 16 ans. Ouais. Enfin, il a fait 16 ans en tout cas au magazine de la santé. Donc là, c'est plutôt c'est l'amuse-gueule. C'est un rendez-vous en fait. Hein. C'est un rendez-vous qui dure 48 secondes et qui est vraiment juste en entrée du magazine de la santé, donc il est là pour lancer le petit coup qui va bien, et puis après ça enchaîne sur le magazine de la santé. Voilà. Et ce qui est bien, j'ai regardé les vidéos un petit peu hier soir, je me suis maté ça un petit peu parce que j'avais déjà vu, mais bon, c'est que c'est abordable, et puis avec n'importe quoi, c'est-à-dire qu'un tabouret, un bout de canapé. Tu peux travailler chez toi avec ce qu'il y a autour de toi, et voilà, même ça, en faisant les carreaux, je crois que j'ai aperçu un truc de genre là, et franchement, le programme est très, très concis, mais finalement très complet, quoi. Je veux dire, on a juste l'essentiel, il y a quelqu'un qui pose une question. Nordine y répond, voilà, montre les gestes et c'est très rapide, mais c'est efficace. En tout cas, on aura les réponses dans moins de 3 minutes en direct. Et puis Pascal qui veut le voir. On n'est plus dans les formats des années 80 avec les meufs qui sautent dans tous les sens. Comment ça s'appelle déjà? Véronique et Davina. Ah ouais, je me souviens, c'est à l'époque, le matin ça envoyait du lourd. C'est plus la même chose maintenant. Avec elle, tu casses un appart. Attends, parce que ça bougeait de partout là, tant pis les couleurs fluo. Ça faisait mal aux yeux quand même un peu. J'ai pris un coup de soleil en les regardant, moi, le matin. Donc voilà, le format a changé et franchement, non, c'est très sympa. Je vais demander à Nordine ce qu'il pense de Véronique et David. Ouais, tiens, lève-la, Nordine, c'est bon, on va l'ouvrir la porte et moi je vais tourner. Et voilà. Allez, on écoute un son à l'ancienne et puis on l'accueille. Yeah. Allez, faites du sport ce matin, il arrive. L'alliance va tellement. L'esprit de l'alliance est funky.

Et l'idée, ben voilà, toujours dans ce que j'aime faire, c'est d'y répondre de manière très pragmatique, ludique, interactive aussi, et puis que les gens puissent s'approprier les gestes avec avec des objets du quotidien, sans forcément investir des mille et des cents. C'est ça, parce qu'on voit des prix hors normes là sur des appareils sportifs, des vélos, des rameurs, etc. J'en passe, hein, je connais pas tout, mais quand je vois des prix, des fois, ça fait peur, hein, Nordine. Il y a déjà tellement à faire avec les objets du quotidien, et c'est vrai qu'on est dans un business gigantesque autour de la remise en forme. Alors que bah voilà, avec une chaise, avec une table, avec un mur, avec un sol, on a aussi une table, une salle de gym. Le tout, c'est de savoir quoi faire, tout en faisant gaffe aux postures. Voilà. Comment est venue l'idée? C'est la maison de prod qui t'a dit on fait une minute tous les jours, ou alors c'est toi qui est venu et tu leur as dit tiens, bah moi j'ai ça à vous proposer juste avant Ah ouais, non, c'est venu de très loin. C'est venu dans le premier confinement en fait, où mes amis avaient besoin de voilà de s'entretenir, de conseils, et donc chaque jour j'avais le droit à mes petits coups de fil. Et puis tout doucement, je me suis pendant le confinement, je me suis dit mais il y a peut-être un truc à faire autour justement bah voilà des questions-réponses, de choses assez simples, et puis qui puissent se déguster un petit peu comme un bon bec, comme un petit bonbon, donc quelque chose de très court. Il y a longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Le mot bon bec, moi je suis un mec à l'ancienne, ah, et qui dit chips aussi, quoi. Voilà. Et pour le coup, de fil en aiguille, j'ai appelé un ami orléanais parce que c'est vraiment 100% local, et je lui ai dit, Mathieu, de l'entreprise C'est Tout Vu d'ailleurs, que je salue, et je lui ai dit, écoute Mathieu, j'ai peut-être une idée de programme. On est parti tourner un petit épisode, voilà, un petit jingle. Après, je suis monté à Paris chez France Télé, je leur ai demandé un rendez-vous, je leur ai montré, et puis là, ils m'ont dit, ouais, il y a un truc. Par contre, sur les programmes courts, bah, il faut trouver un annonceur, c'est-à-dire quelqu'un qui va sponsoriser le petit programme. Et donc là, c'est parti. Donc je me suis mis en tête des Decathlon, des gros groupes nationaux, et puis je trouvais pas, porte fermée. Et puis un jour, je suis en coaching à Orléans, et il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi tu penses pas aux entreprises locales, tout ça, voilà. Ouais. Et puis j'en ai fait une seule, j'ai pris rendez-vous, et là, bingo, l'entreprise Thévenin m'a dit, ils acceptent. Ok, nous, ça nous intéresse, il y a du sens d'associer nos valeurs aussi à la santé, au bien-être, par rapport à un projet qu'ils avaient. Et voilà, donc là, c'est du 100% local. D'ailleurs, les Parisiens regardent l'émission comme ça, en se disant, ah ouais, quand même, en province, ils ont fait un truc chouette. Il y a des trucs en province, ça bouge. Ouais, non, mais je suis hyper content du résultat. Mais c'est bien parce qu'il n'y a pas qu'à Paris que ça bouge. Hein. Voilà. C'est ça, et puis c'est aussi montrer qu'en province, on peut faire des choses très bien avec des acteurs locaux. Et pour le coup, il y a des entreprises aussi qui sont prêtes à investir pour pouvoir donner la chance comme je peux avoir. Stéphanie Biel a regardé toutes les vidéos, je crois. Non, j'ai pas regardé toutes les vidéos. Bah, je les ai regardées, parce que tu sais, moi, ça se voit. Hein, j'ai fait beaucoup de sport, mais je fais moins de sport. Je fais des choses différentes, mais je fais plus de sport. Mais ceci dit, ça va peut-être me. Voilà, c'est un bien. Un petit déclic. Oui, puis je vois qu'en tout cas, c'est vrai que, en fait, son émission s'adresse à tout le monde. C'est abordable pour tout le monde. Je veux dire, il y a des exercices qui sont plus ou moins compliqués, mais. Je pense que quand même, c'est le but, c'est que tout le monde puisse faire son petit effort quotidien et de cette façon-là. Et puis j'ai vu aussi que vous étiez conférencier du bien-être au travail. Ouais, tout est lié en fait. C'est-à-dire que là aujourd'hui, il y a la petite pastille, mais après je vais dans un gros groupe justement pour parler du bien-être au travail, de la sédentarité, parce que ça c'est un truc gigantesque, et si on met les pieds dedans, ça risque de commencer à m'agacer. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de domaines, et ça j'encourage d'ailleurs tous les coachs qui se lancent dans le métier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la remise en forme, il y a tellement d'actions qu'on peut mettre en place. Exactement. Les écoles, les entreprises, les maisons de retraite, tout ça. La seule limite, c'est la création de chacun. Mais il y a tellement de choses à faire. On a un boulevard en plus avec 2024, avec les JO qui arrivent. Donc aujourd'hui, place au mouvement, sans forcément parler sport. Hein, ça peut être juste se bouger. Tout à l'heure, vous l'avez bien dit. Vous faites plus de sport, mais moi, ça me dérange pas. Ce que je veux dire, c'est que les non sportifs, je préfère une personne active chaque jour. Plutôt qu'une personne qui va être sportive du dimanche et qui va se dire sportive alors qu'au final elle va être sédentaire toute la semaine. Il faut faire largement. Et est-ce que la minute suffit à régler le problème entre guillemets quand les personnes t'appellent et disent j'ai besoin de ça et ça, mais est-ce qu'en une minute t'arrives à tout tout s'éparpiller? C'est très très bien comme question. C'est pas simple. Je suis sympa. Hein. C'est pas simple parce que c'est un exercice que je découvre. Et en fait, il faut être concis, il faut donner le conseil, mais en plus avec le mot qui va faire titre et qui va permettre d'expliquer sans forcément avoir trois quarts d'heure pour parler. Et ça, pour le coup, c'est un exercice que je découvre et c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Donc il y a un gros travail d'écriture parce que tout est timé et tu le sais mieux que moi, que ce soit à la radio ou à la télé. Et ben voilà, on a un temps à respecter. Et pour le coup, là, en 48 secondes, il faut que je dise certaines choses et que les gens puissent l'assimiler. Donc ça va très vite. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut se le regarder en replay. Donc si jamais on n'a pas pigé une fois, on peut encore le regarder deux fois, trois fois sans souci. S'il reste, on peut retrouver tous les épisodes. Exactement, sur le site de France Télé. Les épisodes durent 7 jours, mais après, là, je suis en train de monter mon site avec la page YouTube pour justement avoir toutes les petites vidéos et que chacun puisse le regarder à son rythme. Parce que c'est ce que j'ai regardé hier, en fait, et j'ai vu qu'il y avait des vidéos qui, moi, ça me marquait accessible encore 2 heures. Exactement. Et après, ça allait couper. Donc, justement, dans ce que j'avais préparé, c'était de savoir s'il allait y avoir un genre de vidéothèque comme ça où on pourra retrouver l'ensemble de vos émissions. C'est l'idée justement de pouvoir permettre aux gens de pouvoir à leur rythme, des thèmes, de les transférer. Exactement. Ben en fait les thèmes ce sont les gens qui les créent. Voilà, qui les créent. Il y en a un qui m'a plu. Éviter les fesses qui tombent. Il y a des enfants, pour les filles, ça. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des retraités, il y a des sportifs, il y a des sédentaires, tout ça. Peu importe quoi, l'idée c'est des de se bouger, du mouvement. Voilà. Mais comme tu dis, peu importe, les personnes âgées, entre guillemets, eux, il faut leur trouver un programme plus cool, peut-être. Ouais. Mais oui et non, parce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie augmente pour le coup. Et aujourd'hui, avant, on parlait de seniors à 60 ans. Aujourd'hui, une personne qui a 60 ans, elle a la pêche, quoi. Elle a la pêche. Et aujourd'hui, pour accompagner des personnes qui ont 80 ans, ils ont la pêche également. Donc, même j'ai envie de te dire, Francky, nous, on est des seniors. Si on regarde d'un point de vue théorique, on est des seniors. Donc, pour le coup, le mot senior aujourd'hui, il faudrait peut-être revoir un petit peu la notion parce que 60 ans, 70 ans, 80 ans, on peut encore faire des choses et heureusement d'ailleurs. Heureusement. Et moi je pense que ce qui plaît dans cette minute, c'est le côté où je trouve une chaise, où je trouve un tabouret, où je trouve un bout de lit, un bout de canapé, parce qu'on a tous ça à porter chez soi ou sur un bureau. Et là, on regarde la vidéo, on dit, oui, mais moi, j'ai une chaise, je peux le faire. Moi, j'ai ça, je peux le faire. C'est ça? Parce qu'à l'inverse, on a tous acheté du matériel qui prend la poussière au bout d'un mois, deux mois. Et pourtant, au départ, on est super motivé, quoi. Il suffit d'aller sur des sites de vente d'occasion et il y a un milliard de matériel à vendre. Donc, déjà, regardons ce qu'on peut faire avec ce qu'on a chez soi, ce qu'on sert au quotidien. Et puis, des choses qu'on puisse transférer. C'est-à-dire que la chaise, je peux l'avoir au studio de radio, je peux l'avoir au travail, je peux l'avoir à la maison, je peux l'avoir en déplacement, je peux l'avoir en vacances. Et donc, si on peut associer ces exercices-là et les déplacer avec nous, pour le coup, le premier accessoire de remise en forme, ça va être notre corps, quoi, qu'on va utiliser justement au travers de différents objets qu'on va pouvoir croiser, quoi. Il est fort, hein. Et il y a un livre qu'on peut toujours se procurer qui il y a 40 programmes je crois pour la musculation et 120 exercices justement aussi avec les objets du quotidien. On peut toujours le trouver ce exactement livre. Oui, on peut le trouver sur Amazon dans les librairies d'ailleurs que je préfère, mais pour le coup oui, l'idée c'est d'avoir les objets du quotidien. Donc là aussi je fais des exercices avec des chaussettes, un kerso, avec un balai, parce qu'il y a 1000 exercices et à chaque fois on se dit tiens, j'avais pas pensé, quoi. Ouais, à chaque fois que vous voyez un objet, en fait, ça vous inspire un truc, quoi. Ah, mais là, le studio, c'est une magnifique salle de sport, quoi. On va y aller. Vas-y. Il suffit de se mettre en place quelques exercices et là, tout de suite, on envoie la gomme, quoi. Et j'ai l'impression qu'en France, peut-être en France, en Europe, les salles de sport se développent de plus en plus. On prend l'exemple à Fleury. Je crois que sur l'avenue, il y a une dizaine de salles de sport. C'est quoi ce phénomène? Là, c'est un sujet C'est commercial, c'est des appareils qui sont mis à disposition plus qu'un accompagnement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, concrètement, aujourd'hui, Nordine, tout ça? Je dois dire la vérité? C'est l'heure, alors. Il est 8h38, tu peux y aller. D'accord. On est en direct. Non, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que je suis un petit peu écœuré par ces différentes très grosses enseignes multinationales qui viennent écraser le marché, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'indépendants, malheureusement, qui ont dû fermer leurs portes. Moi, j'en connais. Bien sûr, et Orléans, il y en a beaucoup aussi, et je suis assez désolé, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, sauf que la politique agressive est tellement importante qu'aujourd'hui ces groupes internationaux qui viennent avec des fonds d'investissement ne sont pas là pour parler remise en forme, même si c'est ce qu'ils vendent, ouais. Mais au-delà de ça, c'est plus pour faire du chiffre d'affaires. Et au final, face aux indépendants orléanais qui ou d'autres là, villes, ouais. Voilà, qui étaient partis, là depuis des années. Où il y avait un vrai travail d'accompagnement. Moi, j'en ai connu, des salles de sport où les gens faisaient vraiment du sport à l'époque. Maintenant, il n'y en a plus. Hein. Bien sûr, il y avait un vrai travail d'accompagnement. Et aujourd'hui, le business va s'éclater en deux. C'est-à-dire qu'il y aura les très grosses salles de remise en forme avec des prix agressifs. Attention, qui ont du très très bon matériel. Mais il va avoir zéro accompagnement. Et après, il va avoir nous, les salles de coaching, qui vont exister. Mais après, les gros indépendants, orléanais ou ailleurs, malheureusement, ferment de plus en plus. Donc, pour ceux qui sont encore sur la place, je leur tire mon chapeau. Je leur souhaite bon courage. Et puis, pour les personnes qui veulent se remettre en forme, pensez aussi à ces salles-là parce que je trouve intéressant de pouvoir, justement, accompagner ces personnes-là qui, pour moi, sont quand même un entre-deux entre le coaching personnalisé et ces grandes salles où il y a du bon matériel, mais où il n'y a pas forcément d'accompagnement. Je compare ça un petit peu dans... par rapport à une communication, c'est-à-dire qu'il y a des salles où, pour le coup, il y a un accompagnement, il y a une communication, il se passe quelque chose entre les personnes aussi, et que là, on est vraiment dans quelque chose de très individualiste où chacun prend sa machine et dans son truc et il se passe rien, quoi. C'est pas compliqué dans ces très grandes salles-là. Il y a 40% des abonnements qui tournent à vide après 3 mois. Effectivement, c'est une excellente panne financière. Donc le business est fait là-dessus, c'est-à-dire que, bien sûr, on va se faire prélever de 9,90 € ou 19,90 €, mais après il faut imaginer que 40% de leur clientèle laisse tourner l'abonnement sans y aller. Donc, c'est fou quand le même. Le turnover est là et le business est là. Ils ont tout compris. Attention, les mecs, ça réfléchit quand même. Mais au-delà de ça, je trouve que derrière, quand on voit des Relaxform, des Iron Gym, des noms comme ça, qui avaient quand même plusieurs dizaines d'années sur la place fermée, pour moi j'ai un petit pincement au cœur parce qu'ils faisaient partie du paysage du sport orléanais, quoi. Je pense mon ami aussi. À Saint-Jean-de-Bray, mon ami Fafa, qu'on appelait. De sport à Saint-Jean-de-Bray, à l'ancienne. Toutes ces salles-là, Donc aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant de pouvoir réfléchir sur quoi on doit s'axer, comment, quoi. En tout cas, une grande carrière pour Nordinatab. Déjà, je disais, 16 ans de magazine de la santé, Après, une carrière, c'est vite dit, je veux dire, c'est comme toi. Non, mais c'est comme toi, Franck. Pour moi, c'est pas un boulot. C'est pas un boulot. Maintenant, je mets mon survêtement et j'ai la chance de faire ce que j'aime, tout ça, et puis de le faire avec le sourire, tout ça, donc c'est cool, mais c'est bien, en tout cas c'est des rencontres, des gens qui m'ont ouvert des portes, des opportunités aussi, et puis le fait de se dire, allez tiens, j'essaie de faire un petit pas vers l'avant, et puis voir ce qui se passe, quoi. Moi je voulais qu'on parle d'un truc, je crois que vous avez fait Iron Man. Ah, attends, avant que tu parles, je vais mettre une musique, voilà, ça c'est Iron Man Rock, Led Zeppelin. Ça bouge le matin. Hein. Et puis il a fait. C'était à Nice, je crois. Non. C'était à Nice. L'Ironman aussi. On peut détailler un tout petit peu ce que c'est comme type de course. Je crois que c'est du triathlon et. Ouais, c'est un. C'était le film, moi. un triathlon XXL, quoi, où on va nager 3,8 km. Après, directement, on va prendre son vélo, on va faire 180 km. Et après, on pose son vélo et on fait un marathon. Voilà. Donc voilà, mais il y a rien de. Je veux dire, c'est que je vais pas dire il y a rien de difficile parce que c'est une très très grosse épreuve. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Ironman, tout le monde peut en faire un dans sa vie. Ce que je veux dire, c'est que moi, je serais autant satisfait d'accompagner une personne qui va faire un Ironman qu'une personne qui n'a pas marché 30 minutes ou une heure depuis 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent plus le temps, justement, tout ça. Et les victoires, c'est en soi qu'on les a, quoi. C'est pas forcément sur des trucs... on les a sur soi, les exactement, victoires. Mmh. Extrêmes, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que la personne qui réussit à courir 10 minutes ou 20 minutes et que ça fait des années qu'elle n'a pas couru, ou même à l'inverse, qui, j'en sais rien, qui pèse 120, 130 kilos et qui n'a pas vu les 99 kilos depuis des décennies, et ben pour le coup, pour moi, ce sont des mêmes victoires, voire des plus belles victoires. Donc c'est vraiment l'Ironman, c'est vraiment une épreuve, mais au final chacun peut être une ou un Ironman en soi. Mais c'est une course en fait qui existe un peu partout dans le monde. Oui, exactement. Alors il y a différentes type d'Ironman en fonction des pays, avec du dénivelé, des choses de l'extrême. Mais ce que je veux dire, c'est que ça c'est vraiment quelque chose de secondaire. Ouais. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai fait, mais moi je l'ai fait pour moi parce que ça me fait plaisir. Mais je reviens sur ce fait-là qu'au final chacun peut être une ou un Ironman en soi, quoi, vraiment par rapport à ses propres épreuves. C'est joli. Des belles paroles. Hein. Oui, c'est joli. C'est bien, c'est que ça de la belle énergie, du sourire, voilà. Moi, le matin, il m'a redonné la patate, je vais la prise de sang, là, je vais y aller en courant. Hein. Tu vas tomber juste après. Ouais, en plus, moi, j'aime pas les piqûres. Oh mon Dieu. Tu sais ce que je fais, moi, quand je fais la prise de sang, je parle à la fille ou le mec qui me fait la prise. Et tu regardes ailleurs? Non, et je lui parle tout le temps, parce que si je lui parle pas, ça s'arrête et je sens un peu le truc. Alors, comme ça, en lui parlant, bah, tu vois, mon esprit est ailleurs. Il te donne un bonbon après pour te réparer. Non, même pas, c'est à l'école. Ça a marqué, tu filais un bon bec à l'école. Je me rappelle, à l'école, il filait un bon bec après. Ouais. C'est vrai. Nordine, une dernière question peut-être, Steph, pour Nordine. Il parcourir. Hein. Je sais pas, mais c'est prévu pour combien de temps là? Il y a des contrats de signer, l'engagement, il est mesuré dans le temps. Là, c'est chaque jour, non-stop, pendant jusqu'à fin juin. Dans un premier temps, donc là, on va envoyer pas mal d'épisodes. On va retourner justement à partir de la semaine prochaine. On retourne un bloc de 30 à 35 épisodes. Donc pour toutes les auditrices, les auditeurs qui aimeraient me poser une question, eh ben ils me retrouvent. Soit ils passent par Francky, par la radio, soit directement sur mon Facebook ou un ordinateur ou sur Instagram. Ils me posent leurs questions. Je reviendrai vers eux et puis après je les ajoute dans la liste et ça sera avec plaisir que je les intégrerai dans une des pastilles. Quoi. Très interactif, du coup, c'est super. Ah ouais. Ouais, c'est l'idée. L'idée de casser un peu cet effet un peu qu'on peut avoir avec le petit écran, c'est-à-dire qu'on le regarde, là d'un seul coup on devient acteur, actrice. Il y a une proximité. Exactement. Ouais, de sa remise en forme. Et puis et puis on associe aussi toutes les questions aux personnes qui peuvent regarder, quoi, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de modèle unique, même si chaque corps l'est. L'idée c'est de se dire, bah tiens, moi je vais parler de mes problèmes de dos, moi je vais parler de mes problèmes de, j'en sais rien, de circulation sanguine, moi des problèmes de souplesse ou de différents mots que je peux avoir. Mais... J'ai vu sur il y avait un épisode sur les mains, sur la mobilité des mains. Bien sûr, sur la force des mains, parce que c'est génial, plus ça. On avance en âge et plus on perd de la force des mains. Et il y a des personnes avec de l'arthrose notamment qui peuvent avec qui ça peut devenir un vrai handicap, quoi. Ah ouais. Donc pour le coup, moi je me suis fait opérer il y a un an maintenant de la main parce que j'étais parti à Nice à vélo et pour le coup j'avais compressé un des nerfs de ma main et j'avais perdu ma main. Donc et c'est là où je me suis aperçu que juste perdre l'utilisation d'une main, mais c'était une vraie galère, quoi. Pour couper la viande, pour ouvrir un yaourt, pour tourner la clé dans la porte, tout ça. Et voilà, et les personnes qui le vivent au quotidien avec un handicap, c'est pas rien. Donc je pense que la porte, on doit la laisser ouverte à chaque personne. C'est vrai qu'il y a eu aussi Orléans-Nice à vélo. Il faut le faire. Hein. Ouais, j'avais vu quelques photos, vidéos, c'est sympatoche. Hein. J'ai déjà fait Orléans, la radio jusqu'à Pont-Georges-V. C'est ce qui me semblait. Là je suis venu à... Les jours. En off, j'étais venu en voiture, tout ça, alors que je roule quand même assez à vélo. Et pour le coup, là aussi, pour toutes les personnes qui veulent pas faire du sport, je vous encourage peut-être une fois, deux fois à prendre le vélo dans la semaine, et vous allez voir que petit à petit, vous allez capitaliser des kilomètres, des calories brûlées aussi, que ça va améliorer votre sommeil aussi, et en plus, vous allez faire des économies au niveau de l'essence de la voiture. Donc, si ça, c'est pas jackpot, du temps aussi. J'imagine demain matin, on arrive à la radio, tout le monde en vélo dehors. Écoutez, hier, en ordine, les amis venir en vélo. Non, mais Francky, t'imagines. Ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de monde qui. T'imagines un gouvernement qui prend réellement conscience, justement, des bienfaits de l'activité physique, tout ça. Ça serait top, parce qu'au final, derrière, il suffit de mettre des choses en place sur la marche à pied, sur le vélo, tout ça. Et je vous assure que la sédentarité, on va réussir à la combattre. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, on est comme ça. Tu devrais commencer par Orléans Métropole, alors. Tu viens de voir monsieur Tébibel, là. La politique, un autre sujet. On va pas s'énerver. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe si c'est de droite, centre ou gauche, l'idée c'est qu'on prenne, et puis l'idée c'est qu'on prenne réellement conscience de ces problèmes de sédentarité, parce que quand je vois que dans le confinement les commerces essentiels qui étaient réouverts, c'était les McDo, les Quick, Burger King, et après tout le reste était même fermé. Même en termes de consommation. Je me dis, mais à quel moment on percute là-haut, justement, que là on met tout le monde dans le mur, quoi. Donc au final, à un moment faut mettre un peu de cohérence, arrêter de penser si on est droite, centre ou gauche. L'idée c'est de mettre du mouvement là-dedans et de se dire ok, on fait quelque chose de commun et réellement on œuvre pour la santé de chaque Français. Il est fort. Hein, pardon, ce non, non, mais c'est parce que est-ce qu'on veut vraiment œuvrer pour la santé des personnes? La question, elle est là en vérité. This is the question. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire la vraie question, c'est celle-ci. J'ai absolument rien contre le Covid et je regrette. je regrette toutes les personnes qui ont pu disparaître à cause de cette chose-là, quoi, qui est horrible. Mais pour le coup, la sédentarité, mais ça va être 100 000 fois plus de dégâts et ça va toucher tout le monde, que ce soit au niveau cardiovasculaire, que ce soit au niveau respiratoire. respiratoire, que ce soit au niveau des problèmes psychologiques. Aujourd'hui, nous, tous les nouveaux abonnements qu'on a, ça va être qui? Ça va être des jeunes, ça va être des personnes en dépression, ah ça ouais. va être des personnes qui sont en très grande surcharge pondérale, et ça n'inquiète personne. Aujourd'hui, dans la région centre, on est l'une des régions dans lesquelles il y a plus d'obésité, il y a le plus d'obésité infantile en France, ça ne choque personne. Ouais. Demain, demain, le mal-être va être gigantesque et les dégâts vont être faramineux. Et en plus, avec justement tout ce que fait peser le Covid, ça en rajoute énormément à la masse psychologique et ça détruit les gens, enfin psychologiquement. Et puis les informations qui ne sont que on dirige par la peur et donc les gens ils subissent ça tous autant qu'on est. On subit cette société en fait. C'est pas celle dont on a envie comme société. Enfin moi pas du tout. Donc j'ai beaucoup de mal moi avec tout ça. Non mais tu sais que je suis quelqu'un de très en colère aussi. Ouais, donc je canalise ma colère. Mais ça fait du bien de lâcher un peu sa colère le matin parce qu'en plus nous on a libre antenne, on a. Moi en tout cas du coup je vais vous inviter juste. Choper un arbre. Non parce que en ce moment je t'ai déjà dit, je t'explique, c'est au printemps là, sylviothérapie. C'est pas. Ça va, Laurie, t'inquiète pas, elle est normale. Non, il y a pas de souci. Voilà, mais moi, en tout cas, j'entoure. Peu importe le gouvernement qui sera en place aux prochaines élections, faites pas chier. Mettez-nous en vrai une vraie politique sur la lutte de la sédentarité, et là, vous aurez tout gagné, quoi, déjà. Voilà, bravo. Sur ces belles paroles. Non, mais parce que là, tout ce qu'on veut, c'est que les gens restent enfermés chez eux devant à consommer. Pour revenir un petit peu en arrière, avant de se quitter, avec Stéphanie aussi, dans les années 80, on avait Véronique et Davina. c'est cliché pour toi, ou alors à l'époque, c'était vraiment du sport. C'est quand même du sport. C'est du sport. En fait, je veux dire, c'est qu'à chaque période, il y a un type de remise en forme. Et pour le coup, on a connu ces époques-là très musculeuses. Ça faisait mal au dos. Avec Schwarzenegger. Après, il y a eu Véronique et Davina, tout ça. Après, on est passé un peu plus dans les grandes salles de remise en forme. Et puis après, tac, le coaching s'est développé. Voilà, et je crois qu'à chaque étape, il va avoir des manières différentes de se bouger. Mais le cœur essentiel, justement, c'est pouvoir s'entretenir, de souffler. Chacun à son rythme, sans se mettre la pression. Ouais. Parce que la société, elle nous la met sur l'image. Elle nous la met. C'est vrai. Faut être au top, faut être bien gaulé, tout ça. Oh, et c'est bon, on a le droit aussi de manger. Et de juste se bouger. Voilà. Ne pas sortir de telle case ou telle case. En tout cas, on peut retrouver Nordine à table sur France 5. Tous les jours à 1h30, 13h30. À 13h, non, 1h30 c'est le matin. 13h30, juste en amuse-bouche du programme du magazine de la santé. Voilà. Donc voilà. Il fait l'ouverture du magazine de la santé. C'est bien, hein, c'est bien ça. Bravo. C'est joliment dit. Elle claque quand même. Ah, c'est bien, et puis le binôme ça matche bien là, bravo. Ouais, tu passeras le bonjour au doc. Oui, j'y manquerai pas. Merci. Stéphanie, un dernier mot avant de quitter avec Nordine, parce qu'il va courir là. Il va courir. Et écoute, moi je vais pas aller courir, mais je vais en tout cas essayer d'aller voir des petits exercices et de voilà. En plus de ce que j'ai déjà mis en place, je vais essayer d'en rajouter un petit peu. Je vous mets au défi sur la prochaine émission de radio d'alterner toutes les 10 minutes une position debout, une position assise. Parce que là, donc vous avez fait toute l'émission assise. Ouais, c'est vrai. Et la sédentarité, si on veut éviter, ça va commencer par ça. Faites-moi rêver. On fera rêver. la prochaine. Alors, je vais vous dire au revoir. Moi aussi, allez, on se met debout. On se met en live. Moi, j'ai mon micro qui bouge pas, mais c'est pas grave, je le tiens. Voilà. Nordine à table, merci d'avoir été notre invité. Avec grand plaisir, merci à vous. Et on sait que t'as du boulot. Bah ouais, parce qu'il faut y aller, au sport. J'avais juste une petite question. Dépêche-toi. Je voulais savoir quelle était sa playlist favorite pour le sport. Ah oui. J'ai cru comprendre que c'était. Funky l'ami quand je suis arrivé, moi c'est du old school. Old school. À l'ancienne. Funky à l'ancienne. Justement, en parlant d'old school, je t'ai préparé un titre à l'ancienne, Funky Music. Génial. Qui s'appelle Give Me the Funk. Ça va te rappeler des souvenirs, charade. C'est du lourd. Ça me rappelle surtout le Gardel avec toi. Merci. Les bonnes références. Et Nordine, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis 13h30, tous devant la télé, France 5 et lundi au vendredi. Voilà. Une minute. Moi, j'ai regardé 48 secondes. Très court, très concis, très efficace. Voilà. Merci Nordine à table. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. C'est en direct, Give Me The Funky Music, heureux d'être avec vous. Monsieur Laurenceau qui est là, il arrive dans moins de 3 minutes et ça me fait vraiment plaisir de le retrouver aujourd'hui sur la Radio Couleur. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Funky sur Radio Arc-en-Ciel. Bah ouais, on est là, hein, dans 3 minutes, il est là, il est dans les starting blocks, Monsieur Laurenceau. Il va bien, il a mis un beau masque, FC Porto, ah, au Portugal. Moi je vous retrouve demain, on est samedi demain, ouais, bah je vous retrouve bientôt, ce sera lundi. Ah ouais, lundi, il y a des invités, hein, donc belle surprise pour vous. Rendez-vous lundi, 7h-9h, je vous laisse avec Monsieur Laurenceau en direct à la radio. Salut la famille, rentrez bien, et il y a Steph qui voulait parler. Attends Steph, je vais juste mettre, voilà. Excuse-moi. Au moins dire au revoir quand même. Ah oui, non, excuse-moi, moi je suis mal poli. Ah, t'es très mal poli, hein, franchement. Excusez-moi, madame. Quel bougre. Oh, le bougre. Oh, il y a longtemps que j'ai pas entendu cette expression. Quel bougre, dis donc. Ça va, ça s'est bien passé ce matin, on a rigolé, hein. Ouais, c'était cool, on a eu de la visite en même temps. La bonne visite ce matin, hein. Ouais, c'était sympa. Et franchement, Nordinata, adorable. Voilà. Très bonne énergie, franchement, ouais. J'imagine qu'en tant que coach, effectivement, ouais, bah, il est d'une efficacité redoutable. Je vous le conseille, hein. Et puis, Pascal Thémibel, super mec aussi, hein. Super mec, bien habillé, en costard. Bah oui, normal. La métropole, il est dans le costard. Mais ouais. Le coach, vous l'avez tous les jours à 13h30, n'oubliez pas, voilà. Sur France 5. Bah moi, je vais regarder à 1h30, là. Oui, bah, il faut. Tu regardes aussi, toi ? Bah, il faut surtout le faire. Faut regarder, après, faut faire. Bah, on verra, c'est l'idée. On va le faire. Déjà, t'as compris, hein, faut se mettre debout. Hein. C'est faut ça. Pas bah, rester tout le temps assis à la radio. Monsieur Laurenceau, c'est les émissions, c'est debout. On va enlever le fauteuil maintenant. On va enlever les fauteuils. Comme ça, hop là, debout, les gars. Je vais enlever tous les fauteuils de la radio, ça va vite régler l'histoire. Elle pète pas le matos. Non, c'est rien, c'est pas grave. Bon, dès que la déco de la radio est partie. Bah, peut-être vendredi prochain, on va passer sur le thème de Pâques. Ah ouais, c'est pas. On va enlever Noël et on peut-être enlever, qu'on va Pâques d'ici des galettes, peut-être pas. Des galettes. C'est quand la galette? C'est passé la galette? Oui, c'est passé, ah bon, c'était la semaine dernière. Ah bon, bon, ok, bah, je referme. Bon, allez. Merci Stéphanie d'être venue. Eh bah, ben, merci à toi. Et puis, bah, merci à vous, évidemment, de nous suivre, hein, le matin. Ouais, c'est le matin, sympa. Et puis, bah, moi, je reviendrai, je pense, vendredi prochain. Voilà, peut-être. Bah, nous, on se marre bien le vendredi avec toi, hein, en tout cas. Ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien mon petit rituel du vendredi. Bah, moi aussi, j'aime bien. Bah, moi, je vais boire un verre d'eau. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Laurenceau? Il va venir aussi vendredi avec nous? Non, je serai là. Hein. Ah ouais, tu seras là, oui, après nous. Mais bon, moi je bois mon verre d'eau parce que j'ai les prises de sang à 10h10. Voilà, je raconte ma vie en même temps. Ouais. C'est un vin sur Loire. Bon, bah, bonne picouse. Aïe, ça fait mal. Pas dans les fesses, c'est où le... Ah non, c'est dans le bras, la prise de sang, ouais. C'est, ouais. Là, dans le creux du coude. Ah, j'aime pas ça, j'ai peur des piqûres. Faut pas que tu regardes, parce que si tu vois ton sang, ouais, ça va te... Non, non, non, je regarde pas, moi je regarde le plafond, moi, toujours. Quelle petite pépette, sans déconner. Quelle nature, celui-là. Allez, salut Stéphanie, merci. Ciao, ciao, tchuss. Bonne nuit.